trésors qui naviguent tranquilles, qui cherchent une place au soleil mais qui détestent les peines. Et dans ce monde de brut, il prépare sa chute, car il n'y a pas de structure qui assure le futur du lézard qui ne pense qu'à boire. Histoire d'un brigand, parano de temps en temps, qui fabrique de jolies poupées aux avantages bien dessinés. Mais de nos jours, les gens qui rêvent savent bien qu'il faut qu'ils crèvent, car il n'y a pas de structure qui assure le futur du brigand qui désire tout le temps. Je suis pas bien exigeant, soyez plus indulgents, laissez rire les enfants, que nous sommes à 30 ans. Regardez par la fenêtre comme les filles sont belles tout le temps, surtout en ce moment. C'est l'histoire d'un feignant, disciple de Satan, qui ne jure que par les injures et qui défèque sur les gens. Mais dans nos établissements, il sait qu'il ne durera pas longtemps, car il n'y a pas de structure qui assure le futur du feignant qui n'aime pas les gens. Et j'aime pas les gens. J'en ai plus pour longtemps. Je garderai pas toutes mes dents.